Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, l'émission 10 de la saison 4. Cette semaine, pour vous accompagner, vous retrouverez celle qui donne de sa personne pour illustrer au mieux ses What the Fuck. On parle bien sûr de notre multitalent chroniqueuse, Maëlys. Bonjour Maëlys. Et tout ça sans théâtre. Et tout ça sans théâtre, c'est ça qui est fort. De l'autre côté de la table, un homme qui aime faire l'historique de l'internet avant de donner une info pas ouf, c'est G-Wolf. Bonjour G-Wolf. Bonjour, tu as oublié hilarant aussi. Ah oui, hilarant, c'est vrai. C'est souvent on l'oublie ce terme. Pour toi. Et enfin, celle qui arrive à détruire un animé en quelques phrases, c'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. Bonjour Rémi, je pensais que t'allais parler des ninjas aujourd'hui encore. Non, tu vois, j'ai plutôt été marqué par la semaine dernière où complètement démoli un animé en quelques phrases. Mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, vous pouvez sans doute le voir sur le Twitch de Culten Geek. Nous nous retrouvons en compagnie de Christophe, Hervé, Clément de la start-up Tech Corner. Bonjour les garçons. Salut. Et Clément qui ne veut pas parler parce qu'il se dit trop au-dessus. Bonjour, bonjour. Bonjour Clément. Allez, on est parti, top départ de l'heure. Au programme, le What the Fuck de Maëlys, l'instant nippon, le top ou flop, le qui que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview et découverte en détail de Tech Corner. Il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite, comme d'habitude, on commence avec l'info sociale. Bienvenue à tous dans l'émission 10 de la saison 4 de Culten Geek. Ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine sur Internet, c'était la folie avec la sortie de Google Stadia. L'engouement était fou, les gens en ont parlé pendant au moins 2 heures avant que finalement les premiers avis négatifs ne tombent. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'accueil de Google Chrome qui continue d'en parler. Sur Twitter, polémique suite à une femme qui a osé parler de fellation et donner des conseils aux jeunes femmes qui tenteraient de pratiquer cette chose. Le tribunal Twitter des machos et gros bofs s'est exprimé. Une femme ne doit jamais parler de sexe. Aujourd'hui, le compte de cette jeune femme n'existe plus. Sur Twitter, toujours ce jeudi, était en top tweet le hashtag Harry Potter vs Marvel. D'après Jean-Kévin, je cite, ni l'un ni l'autre n'est mieux, c'est seulement réservé aux débiles qui ne vivent pas dans le monde réel et qui sont encore des gamins, fin de citation. Un conseil Jean-Kévin, fuis très loin. Et enfin sur Facebook, nous sommes inondés d'une image tirée de The Mandalorian. Nous rappelons aux fans de Star Wars qu'il y a une règle, pas de spoil ni d'image pendant 15 jours après la sortie de l'épisode. Je rappelle que vous êtes aussi passible de la peine capitale, le badge sacré connard. L'info sociale s'arrête ici, on termine avec cette citation, tous les champignons sont comestibles, mais certains ne le sont qu'une seule fois. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas. Le vrai ou faux dans Culten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission. Alors Clément, Christophe, Hervé, je vous explique les règles. J'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Est-ce que ça va pour l'instant ? Ça va. Facile. Vous avez très bien. Alors si tout le monde est prêt, on y va. Vrai ou faux, en 2001 est retrouvé dans la maison d'un trafiquant un ours, un tigre et un lion. Et ils sont d'ailleurs toujours amis maintenant qu'ils sont adultes. C'est sûrement vrai. Vrai. Ouais, ouais, ouais. Ils sont plus amis. Donc toi tu dis faux. Du coup c'est faux. Eh bien c'était vrai, effectivement. Ils sont dans la même réserve et ils sont toujours les meilleurs amis du monde. Vrai ou faux, dans son testament, l'actrice anglaise Elizabeth Taylor a demandé que son enterrement commence 15 minutes avant l'heure prévue. Et comment tu veux qu'elle demande si elle est morte? C'est marqué dans son testament. Il vient de le dire. Moi je dirais vrai. Ouais, j'ai pas écouté. Vrai pour Christophe. Oui, vrai pour G-Wolf, vrai pour Hervé. Caprice de star. Hein. Ouais, voilà. Répète, qui c'est la personne? Elizabeth Taylor. Je sais pas qui c'est. Moi non plus. On va dire vrai aussi, ouais. Ouais, ok. Je sais pas, ils aiment bien faire des trucs bizarres des fois, les stars. Pour Maëlys, c'est totalement faux. En fait, c'est pas 15 minutes avant, c'est 15 minutes en retard. Parce qu'elle était connue justement pour ses retards. Vrai. T'es vicieux, toi. Ah oui, j'ai pas prévenu Christophe Hervé, je fais des pièges. Ouais, des trucs de merde, hein, vraiment. J'ai failli dire faux à la dernière fois, je suis dégoûtée. Vrai ou faux, le grand-père de Donald Trump est en fait un immigré allemand. Non. Non, c'est faux. Faux. Faux pour Hervé. Faux aussi. C'est faux parce qu'il a hérité de la fortune. Ah bah faux alors. Je sais plus de qui là, mais. De son père, du coup, effectivement, mais. Évidemment, son pari, du coup. Maëlys, j'ai dit faux. T'as dit faux. Mais oui. Si tout le monde a répondu, ben je vous annonce que c'est vrai. Son grand-père à Donald Trump s'appelait Friedrich Trump, anglicisé en Frédéric Trump. Voilà, sachez-le. Ah. Non, et il est comme ça, peu cher. Et ouais. Il a raté. Waouh. Et vrai ou faux, en mai 2019, il y a eu un embouteillage au Mont Everest. Oui, vrai. Elle a l'air certaine, donc je dirais. J'avais lu un article dessus. Après, j'ai peur que ce soit pas vraiment mai 2019, le truc. Mais bon, je sais qu'il y a eu une histoire comme ça, oui. Tu l'as lu cette année, l'article ? Vrai. Ouais. Diwolf, est-ce que tu allais vérifier sur ton téléphone ? Ah, pas du tout. Non, je confirme, il est pas sur le truc. D'accord, donc on a un vrai pour Christophe, un vrai pour Renata. Hervé, tu as dit vrai ? Ouais, j'ai dit vrai, tout à fait. Maïlis, tu as dit vrai ? Ou tu dis faux ? Clément, tu dis quoi ? Il dit vrai. Clément, il dit vrai aussi. Ouais, mais du coup, c'est moi qui aurais dû l'avoir dans ma chronique. Mais vas-y. Et du Wolf, tu as dit vrai. Tout à fait. Eh bien, effectivement, c'est vrai. Beaucoup d'alpinistes qui attendaient leur tour venir pour monter sur le sommet du Mont Everest. Il y en a même qui sont morts à cause de ça. Exactement. Parce que du coup, ils devaient attendre pour monter et voilà. Épuisement. Ça me rappelle une histoire, ça. Débile. Oui, moi aussi, ça me rappelle une histoire. C'est débile. Mort de merde, quoi. Voilà. Comment t'es mort ? Bah, j'ai attendu. J'étais dans la circulation, en fait, en allant vers l'Everest. L'Everest, en ce moment, il y a des embouteillages, mon gars, ne vient pas en heure de pointe. Non, mais il y avait une vraie photo et ils se suivaient tous à la file indienne. Genre, ils étaient vraiment compacts. Et ils se sont pas dit, on va changer, les gars, on revient demain. Non, ils attendaient. Attends, au bout d'un moment, t'es là, t'es bon. Vrai ou faux des réseaux sociaux, la semaine dernière je vous ai posé cette question. On pouvait avec sa Game Boy contrôler une machine à coudre. On avait dit faux, c'est vrai. On avait tous dit faux, je crois. Ah ouais ? C'était pas une machine à coudre. Vous pouvez répondre maintenant si vous vous souvenez de votre réponse. Moi je dirais vrai. Toi tu dis vrai, moi je dis faux. On doit pouvoir. Hein, faux pour Clément. Clément aussi, oui. Moi je voudrais le résultat de Facebook avant. Le résultat de Facebook, c'est à 78% faux. Bah alors je dis faux aussi. Pas de personnalité, quoi. Ouais, elle a pas envie d'en avoir une aujourd'hui. Hervé, tu as répondu quoi ? Moi j'ai dit vrai. Tu as dit vrai. Effectivement, c'était vrai. Ça s'appelle Singer Isaac. C'était le nom de la machine à coudre. Elle a été conçue spécialement pour fonctionner avec sa Game Boy. Voilà, je le savais. Alors, j'ai pas envie de gâcher le truc, mais tu sais Rémi que tu fais très rarement des faux quand même. Hein. Oui, c'est quasiment tout le temps des vrais. Tu sais, c'est comme les points négatifs à la fac. T'as plus de chances de réussir si tu mets oui tout le temps. Mais c'est vrai, ça. Hein. Mais j'arrive quand même à vous piéger, et ça, c'est beau. Vrai ou faux des réseaux sociaux de cette semaine ? On se dit que tu vas changer au bout d'un moment. Et oui, justement, je suis imprévisible. Vrai ou faux des réseaux sociaux de cette semaine ? Au Japon, on peut obtenir une chambre d'hôtel pour 1 euro. Vrai ! Je vais te déchirer ! Si on accepte, c'est mon instant nippon. 24 heures sur 24. Moi aussi, je te démonte. Bientôt. Attends un peu. Non, parce que c'était peut-être ma chronique. Super. Bah non, je dirais vrai. Là, du coup, je dis vrai aussi. Bah, du coup, je dis vrai aussi. C'est vrai. C'est complètement vrai. Je suis dégoûtée parce que je t'en ai parlé tout à l'heure. Ne t'as rien dit. Ne dis rien de plus, s'il te plaît. Et du coup, c'est mon instant nippon. En fait. Oui, mais moi aussi. Je suis dégoûtée. La réponse arrive bien sûr la semaine prochaine dans Cult and Geek. On se demande ce que c'est. Il y aura bien sûr les sondages sur les réseaux sociaux. En attendant, nous, on passe tout de suite à l'interview pour en apprendre un petit peu plus sur Tech Corner. Place à l'interview by Cult and Geek. Et c'est marrant, j'ai des petits regards des fois de Christophe qui se tourne vers la régie et je vois dans son regard, mais où est-ce qu'on a atterri ? C'est pas faux. Non, je regarde l'écran, ça m'intrigue tous ces jingles là, c'est assez intéressant quand même. Ah oui, vous avez un retour écran magnifique avec les jingles, les tapis. C'est notre première à la radio donc on connaît pas du tout. Et bien, ravi du coup d'être votre première interview en radio. Alors, Tech Corner aujourd'hui, pas de polémique mais une interview puisque nous sommes avec Christophe, Hervé et Clément. Tech Corner, les garçons, qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, c'est une plateforme de découverte de produits high-tech. L'idée que l'on a, c'est de faciliter l'accès aux nouvelles technologies. On s'est rendu compte que pour acheter n'importe quel produit high-tech, on passait par des multiples pages, que ce soit des tests, des avis, des vidéos, des forums ou autres. Et nous, notre objectif, c'est de centraliser toutes ces informations sur une simple page pour faciliter votre achat et de comparer les prix sur les principales plateformes de e-commerce que vous préférez, à savoir Amazon, Cdiscount, Boulanger, Darty ou autres. Et ça, c'est beau, il a cité plusieurs marques, du coup, il n'y a pas de placement de produit. Tout à fait, ouais. Toujours trois. Qu'est-ce qu'il est fort. On attend toujours des chèques, hein, mais bon, ça n'arrive ouais. jamais. Ils ont perdu notre adresse. Comment est-ce que ça vous est venu, l'idée de le créer? Vous étiez sur Internet et puis vous vous êtes dit, putain, faut comparer tous les sites en un, on fait chier, on vient, on fait un truc. Alors, ça date un peu le lancement, enfin, l'idée du projet, ça date de 2014, pour vous dire. On était encore chez nos parents, donc c'est un projet, pas de garage, mais de la petite chambre, quoi. Et en fait, nous, non, c'est plutôt qu'on est souvent interpellé par notre entourage, notre famille ou autre, pour savoir si ce produit est bien par rapport à celui-là, lequel il faut acheter ou autre. Et on en est un peu par ras-le-bol, mais c'est vrai que... On aide nos parents et on s'est dit qu'on pouvait aider beaucoup plus de personnes justement en rendant ce service accessible en ligne, totalement gratuitement pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment le travail que vous faites lorsque vous achetez un produit high-tech, on l'a déjà fait et on vous le met à disposition facilement. Alors, lorsque je suis venu vous voir dans vos locaux, tu m'as donné une petite astuce pour être sûr que tout le monde comprenne les tests, etc. Vous basez sur qui ? Alors, sur les tests produits ? Les tests produits. Alors, l'idée, c'est de centraliser les tests des plus grands sites high-tech, à savoir la Bofnac, les numériques, 01net. Il y en a beaucoup que l'on connaît tous, qui sont là depuis des années et des années. Au départ, on voulait, entre guillemets, les concurrencer. On s'est vite rendu compte qu'ils avaient une très forte expertise sur l'analyse des produits. Donc, l'idée, c'est de fournir une moyenne sur ces produits. Et on s'est rapidement rendu compte que certains sites de tests avaient des très bons partenariats avec certaines marques et qui privilégiaient, on va dire, les notations de ces marques-là. Donc c'est vrai que c'est toujours bien pour l'utilisateur d'avoir plusieurs avis de sites totalement différents, ou même des blogueurs indépendants. On essaye sur certains produits où il n'y a pas de test de 01net ou autre, souvent des produits de start-up qui sont très peu connus en France notamment. Et du coup, ça permet d'avoir une meilleure vision de ce que pourrait apporter le produit dans l'utilisation au quotidien. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? Comment est-ce que vous testez un produit? Comment est-ce que tu juges s'il est beau, s'il est ergonomique, s'il fonctionne bien, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu les coulisses d'un test? Alors, sur toute la partie, on va dire, esthétique et utilisation au quotidien, c'est vraiment un retour d'expérience de l'ensemble de l'équipe. L'idée, c'est que chaque personne de l'équipe puisse tester le produit pendant une à deux semaines et qu'il donne son analyse dessus. Et après, en fait, on a Clément, qui est un ancien étudiant de l'INSA en nanotechnologie, qui apporte, lui, son expertise sur la partie technique du produit. Nous, malheureusement, on est plus... on est des très bons acheteurs. On est très... au niveau du marketing, on est bien là-dedans. Mais c'est vrai que Clément nous apporte le support sur la partie technique, parce que là-dessus, tout ce qui est Bluetooth 4.0 et tout ça, les personnes lambda, comme nos parents, nos amis ou autres, ne les comprennent pas. Donc l'idée, c'est que Clément simplifie et voilà, il décrypte les nouvelles technologies. Et tout à fait. Et est-ce qu'il est traduit? C'est le but. Ah, ça va. En fait, pour vous faire un peu les métiers de chacun, donc Clément est vraiment sur la partie technique, Hervé, lui, sur la partie éditoriale, anglais, français, voilà, il arrive à comprendre les contenus étrangers, les traduire en français. Ça nous arrive souvent de recevoir des produits avec des modes d'emploi en anglais. En France, on est pas très amoureux de la langue de Shakespeare, notamment moi. Je te comprends. Donc voilà, c'est vrai que Hervé nous aide beaucoup là-dessus, et Clément sur la partie technique, et on essaye justement de traduire ces contenus en anglais, en français sur notre plateforme, de manière à ce que les utilisateurs français puissent utiliser ces produits étrangers. Et tu sais quoi, ça me fait très plaisir de savoir qu'on peut monter une start-up sur la technologie sans parler un mot d'anglais. C'est l'équipe le primordial. Et ça me rassure. L'équipe... Toi, il te faut une Renata alors. Oh, il me faudrait beaucoup de gens là. L'équipe, est-ce que vous avez d'autres questions pour l'équipe de Tech Corner? Tout à fait. Ah, il s'est avancé, il est sérieux, ouais. Attention. Parce que vous avez dit que du coup, votre service, il est gratuit. Mais du coup, je m'intéresse à votre modèle économique. Ouais, comment on se rémunère? Exactement. Ben alors, simplement avec de l'affiliation. Donc, c'est ce que font la majorité des sites internet. Si vous allez sur n'importe quel site, les numériques ou autre, vous avez un tableau comparatif. Mm-hmm. On a à peu près le même, esthétiquement un peu plus joli. et l'idée, c'est. Tout à fait objectif. Voilà, on a pu passer la porte. et l'idée, c'est on est rémunéré par ces plateformes-là. D'accord. Pour leur apporter à la fois de l'expertise sur le produit. En fait, tout le travail de. C'est un peu on est leur commerciaux. D'accord. Okay. C'est un peu le même principe. Et à côté de ça, on a lancé un nouveau service le mois dernier, que vous avez pu présenter dans votre émission, qui est la Tech Box. Donc là, c'est le même modèle économique que les box mensuelles beauté, bricolage ou autre. Je vais en nommer trois. Birchbox, My Little Box ou Beautiful Box. Voilà, en fait, il y en a à l'appel. Et peu sur le monde de la high-tech. Pour vous présenter sur le monde geek, manga, oui. Avec la JDG Box, non, Journal du Geek Box, Hi-Tech Box, etc. Mais sur des vrais produits high-tech, on n'en avait pas. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, il y a très peu de box mensuelles qui nous est adressée. Donc on essaye de se lancer sur ce marché aussi. C'est vrai que l'abonnement, en termes de business, de modèle économique, c'est vraiment très, très intéressant pour une entreprise. C'est pas mal, oui. Rien c'est vrai que t'as pas encore entendu. Oui, tu vois, c'est vrai que niveau box pour, on va dire, homme, j'en voyais pas trop souvent, donc c'est pas mal du tout. Si, il y a une box qui vous propose des caleçons. Ouais, tout à fait. Oui, non, oui. Après, il y a beaucoup de box sur maintenant sur la mode ou même autour de la barbe. Oui. Malheureusement, je peux pas trop, l'utiliser. mais voilà, mais ça commence à arriver. Il y en a sur les motos ou autres, mais c'est vrai que c'est encore. Très petit par rapport à l'écosystème de box sur la partie féminine. Ça reste encore vachement stéréotypé, les mecs c'est la barbe, la moto et voilà, les caleçons. Et la high tech. Ouais, c'est ça, maintenant la high tech. Renatan, t'as pas encore entendu. J'ai été voir un peu le site internet, j'ai vu que vous parliez d'animation, en fait je voulais savoir un peu ce que c'était. Voilà, bah, en fait sur notre partie on a deux activités, une activité auprès des entreprises et une activité auprès du grand public comme vous et moi. L'idée c'est... on réalise des animations événementielles, tout ce qui est cadeaux, goodies ou des animations réalité virtuelle, impression 3D, drone ou autre pour les entreprises. L'idée c'est si elles ont besoin d'une animation pour un team building, pour un lancement de produit, une campagne street marketing ou autre, on les accompagne dans toute la partie événementielle autour des nouvelles technologies. L'idée c'est qu'on a un catalogue de start-up, de produits innovants ou autre et on les adapte aux besoins de la communication des entreprises en France et à l'étranger. Alors, sur l'ensemble de l'équipe de Tech Corner, est-ce que vous étiez déjà à la base tous les trois ou est-ce que au fur et à mesure, vous êtes un petit peu recherché, tu as passé des annonces et puis d'un coup, tu as rencontré Hervé, il est super, il parlait anglais. Comment ça s'est passé? Alors, pour la petite histoire, l'idée même du projet vient de Clément et moi. On se connaît depuis qu'on a une douzaine d'années, on est confrères de terrain de rugby. et donc voilà, j'ai été en coloc avec lui, j'ai tout vécu avec lui, donc j'étais sûr que je voulais lancer ma boîte avec lui. Hervé me connaît depuis que je portais des couches. en fait, c'est un ami d'enfance. Je n'ai jamais changé. Hein. C'est un ami d'enfance et j'ai tout de suite identifié son expertise éditoriale qu'il nous fallait pour lancer notre blog dans un premier temps. Et puis, c'est toujours mieux de savoir écrire pour Google. Donc voilà, ça c'était obligatoire. Et on avait deux autres membres dans l'équipe. Malheureusement, la vie d'une start-up fait que il y a des va-et-vient et aujourd'hui on se retrouve froid mais on le vit très bien, le rythme est d'autant plus soutenu, donc c'est la vraie vie de start-up. L'équipe, est-ce que vous avez encore des questions pour nos chers messieurs? On n'a pas beaucoup entendu Hervé. Oui. Oui, mais Christophe pitch très très bien, donc oui, mais c'est ce que je le laisse pitcher, parce que j'avoue quoi. J'ai pas le niveau, Il écrit bien, hein. Il écrit bien, mais je sais il écrire, mais je sais pas très bien parler. On peut pas tout avoir. Du coup, il y a des questions. C'est déjà un bon point. D-Wolf, Maïs. Juste une affirmation, vous avez l'air de vachement bien vous entendre, donc je suppose que ça fonctionne bien. Vous êtes depuis combien... J'ai mal formulé. C'est ouvert depuis combien de temps? Alors, on a lancé l'activité le 26 novembre 2016. Donc il y a 3 ans. Voilà. Et oui, ça se passe bien humainement. Économiquement, il y a toujours des hauts et bas. C'est la vie d'une start-up. Hein. Sinon, on s'appellerait pas start-up, mais entreprise. et du coup, non, mais c'est primordial. Si l'équipe va mal, la start-up ne peut pas tenir. C'est ce qu'on vous dit, en fait, quand vous lancez une start-up. En général, c'est le facteur principal, c'est l'équipe. Il faut que l'équipe s'entende bien et l'équipe marche. Et si l'équipe marche, la start-up marche. L'air de bien vous compléter en plus. À force, c'est au fur et à mesure des années, hein, mais faut pas se le cacher. Des fois, c'est dur de les supporter, mais. Tu fais l'effort quand même. C'est vrai qu'on essaye d'appliquer un peu l'état d'esprit rugby à l'entrepreneuriat, parce que pour moi, c'est une école de la vie, aussi bien pour la vie de tous les jours que pour l'entreprise. Et c'est primordial de savoir se sacrifier pour l'autre ou vraiment de vivre des bons moments lorsqu'on a des petits cailloux blancs, ce qu'on appelle nous, c'est des petites victoires. C'est vraiment des trucs légers, hein, mais chaque petite victoire, il faut les fêter. C'est obligatoire, parce que c'est un ascenseur émotionnel quotidien. On va boire une bière. C'est ça, c'est l'idée. Ouais, c'est une bonne tradition, ça j'aime bien aussi. Tech Corner, donc on a compris que Clément était du coup plus côté technique, un peu plus développé, à pointilleux sur le fonctionnement, etc. Surtout toute la partie technique, hein, au final. Hervé, du coup, rédaction et traduction. Et du coup, Christophe, toi, c'est plutôt ce qui est marketing, voilà, contact, marketing, etc. Communication. Et avec Clément, on chapeaute un peu tous les deux la partie commerciale sur les entreprises, la partie événementielle, goodies et cadeaux. Hervé fait fonctionner la partie plateforme B2C, donc la plateforme grand public, comparateur de prix. Voilà, c'est Hervé qui en est et réseaux sociaux. Voilà. Et voilà, après tout ce qui est, tout ce qui est rédaction. Est-ce que vous avez des nouveaux projets, des choses qui arrivent là, notamment vu qu'on est fin 2019, il y a la nouvelle année qui approche à grands pas. Est-ce que vous avez des projets, des nouvelles choses que vous voulez lancer? Des bonnes lancer résolutions. Si tu veux, c'est pas ça que j'allais dire, mais si tu veux. Alors, le premier objectif, ça serait de réussir à pérenniser l'offre de Techbox. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Comme je vous le disais, au niveau du business plan, la partie abonnement est assez intéressante pour nous. On rêve aussi d'avoir enfin notre application mobile, parce que l'idée de cette plateforme Tech Corner, ça serait beaucoup plus facile de l'avoir directement sur son téléphone pour pouvoir comparer les prix en boutique. Ça, c'est l'idée. Là, on voit à l'arrivée du Black Friday, c'est la semaine du Black Friday. Et c'est vrai que l'utilisation de plateformes comme la nôtre, ou d'autres, hein, je veux pas en citer, mais bon, c'est vraiment intéressant pour profiter des meilleures offres. Là, on a dernièrement lancé une partie bon plan qu'on va essayer de nourrir un petit peu plus, mais l'idée, voilà, c'est que Tech Corner devienne le lieu où passer avant d'acheter un produit high-tech. C'est un service totalement gratuit, comme je le disais, et c'est vraiment pour vous aider à acheter les produits. J'ai une petite question sur votre logo. C'est un carré jaune avec donc deux flèches qui poussent sur les côtés. Est-ce que ça a une signification ou est-ce que ça vous fait... Je remercie Sébastien Laboutelet de Very Well, qui est notre graphiste attitré, qui faisait partie de l'équipe au départ, mais qui a préféré suivre sa voie en tant que directeur artistique dans une belle agence de com. Et en fait, ce logo, le carré, image la communauté que l'on veut créer. Et c'est le principe de deux aimants qui se connectent pour être liés à l'innovation, aux puces électroniques, etc. Donc c'est vraiment artistique, je lui laisse cette partie-là. Malheureusement, il n'est pas là pour l'expliquer. Mais en gros, c'est ça. Et le petit R en pixel, c'est pour appeler l'esprit technologique de notre communauté. Eh bien, tant de significations. On dirait un tatouage, le truc. C'est vachement impressionnant. On va juste terminer cette interview avec, bien sûr, quelque chose qui est lancé sur votre site, une tech box spéciale que les gens peuvent encore commander jusqu'au 30 novembre, je crois. Tout à fait. La tech box de Noël. Hervé, je vais te laisser la présenter un petit peu. Donc, la tech box de Noël, donc, comme on disait, le principe de tech box, c'est une tech box tous les mois. Et on fait donc, il nous arrive de faire des hors-séries. En l'occurrence, ce mois-ci, c'est l'hors-série pour Noël. Et on a décidé de lancer trois tech box différentes. Donc, en termes de prix, comme ça va être en général pour faire des cadeaux, on a décidé de lancer trois tech box pour trois budgets différents. Donc, on va en avoir une à 30 euros, une à 50 euros et une à 100 euros. Et donc du coup, selon les tech box, il va y avoir plus ou moins de produits, et des produits plus ou moins qualitatifs évidemment, plus on montera dans la gamme, quoi. L'idée, c'est de proposer un service de cadeau clé en main autour des nouvelles technologies. On a souvent une personne à qui on doit faire un cadeau qui est un peu geek, on sait jamais quoi lui offrir. Nous, l'idée, c'est qu'on propose des produits qui sont adaptés à tous les téléphones pour éviter les problèmes de compatibilité, mais c'est surtout pour vous faciliter la tâche pour un cadeau directement à poser sous le sapin. Exactement, vous n'avez pas d'idée de cadeau, une tech box, il y a 4 ou 5 cadeaux dedans. Et avec une valorisation, imaginons vous prenez une box à une trentaine d'euros, vous avez 50 euros de produits dedans livrés directement dans votre boîte aux lettres. Donc voilà, c'est la box à 50, il y a 70 euros, voilà, c'est environ entre 30 et 40% de valorisation sur les box. La box à 100 euros est valorisée à 150, je crois. Donc il ne reste plus qu'à cacher le cadeau, quoi. Exactement. Déjà la boîte, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, du coup, on est passé vous voir hier avec Yacine, qui est malheureusement pas là aujourd'hui parce qu'il est malade. Donc, et du coup, on lui souhaite de bien se rétablir. Il a une chance de cocu, lui. Oui. Du coup, on est passé vous voir et vous avez maintenant les nouvelles boîtes Techbox. Tout à fait. Elles sont toutes mignonnes, elles sont vachement belles. Donc, du coup, commandez votre Techbox. Il fallait prendre une photo, Rémi. Ah oui, ouais. J'y ai pas pensé. Elles sont sur notre Instagram, sur les réseaux sociaux, si vous voulez regarder sur Instagram. Elles y sont, on les a mis il y a pas longtemps. L'Instagram Tech Corner. Et Tech Corner est à retrouver un petit peu partout aussi sur Internet, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, je vois aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu pour votre chaîne YouTube? Alors, on avait comme projet de lancer vraiment une chaîne YouTube avec un peu les backstage, les coulisses de notre startup, toute la partie test ou autre. Ça prend énormément de temps, la vidéo, faut se le dire. C'est à trois, c'est assez délicat. Que ça soit déjà une personne pour passer devant la caméra, ça c'est pas si facile que ça. Et après, tout l'aspect montage, référencement naturel, voilà, c'est pas juste créer une vidéo, la mettre en ligne. Il y a toute la partie promotion de contenu qui est ultra importante et qui prend du temps. Donc pour le moment, en fait, ça nous permet surtout de promouvoir toutes les vidéos et expériences en réalité virtuelle qu'on peut faire pour les entreprises. En fait, c'est tout notre catalogue de réalité virtuelle. On espère qu'en 2020, on va pouvoir justement développer cette partie-là sur de la présentation de produits, des focus produits, des interviews de start-up. L'idée, voilà, c'est vraiment toujours sur de l'high-tech, mais plus sur la partie coulisses et humain de ce qui se cache derrière les start-up. Très bien, et bien écoutez, on espère que vous aurez le temps de faire tous ces projets que vous avez prévus. Et c'est à retrouver également sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller liker, hein, on sait jamais s'il y a des gens qui nous écoutent. Il s'appelle comment ton bonhomme dans l'actu du début? Robert. Ah bah il y a Robert sur LinkedIn, non? Oui, Robert est passé sur LinkedIn. C'était effectivement, il va liker la page. L'objectif, c'est que Tech Corner sur LinkedIn soit la page la plus likée. Voilà. Ça me va. Ça me va aussi. Clément, c'est bon, il est d'accord. C'est parti. Et Tech Corner, bien sûr, techcorner.fr pour retrouver toutes les informations. Merci les garçons, vous restez bien sûr avec nous pendant tout le reste de l'émission. En attendant, nous on va faire une première pause en musique avant de retrouver les coups de cœur du web, l'actu web de G-Wolf et le qu'est-ce que c'est. Et là, cette première pause en musique, c'est avec Arensky et Johan Amber avec le titre Weakness. I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around. Yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only Arensky et Johan Amber avec le titre Weakness dans Cult & Geek, de retour dans cette émission avec bien sûr l'équipe de Tech Corner, et on va pouvoir passer tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé, c'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Et G-Wolf a le talent d'arriver pile à temps. J'ai cru que nous l'avions perdu. Il s'en va et quand il revient, il y a jingle des coups de cœur du web. Du coup, G-Wolf, tu ne m'entends pas. Exactement. Bonjour. Bonjour G-Wolf, alors tu commences. Alors, mon coup de cœur de cette semaine, ça a été un film. C'est Arnaque, Crime et Botanique. C'est un film de 98, un thriller, un peu qui touche à des, on va dire, Dès vous l'avez compris, des crimes, des arnaques. Bref, c'est l'histoire d'une bande d'un pote, d'une bande de potes qui veut se faire de l'argent. Et leur plan est simple, envoyer leur petit génie, celui qui a la grosse tête, faire des parties de poker avec des caïds de la pègre. Sauf qu'évidemment que quand, lorsque tu touches à ce genre de milieu et que tu n'es personne, mais tu te fais plumer. Effectivement. Voilà, voilà. Et c'est un très bon film que je recommande. Très bien, donc ah, ça s'appelle... C'est un film anglais, du coup c'est un peu du coup humour anglais, mais en général... Ça va, ça dérange personne l'humour anglais, non ? Non, ça va, au contraire, c'est le meilleur. C'est le meilleur humour. Et bien voilà, tu noteras. On le parle pas forcément, mais on apprécie toujours l'humour. Ça, donc ça s'appelle ? Arnaque, crime et botanique. Arnaque, crime et botanique, très on bien. Dirait un mauvais film. Oui, c'est vrai que le nom, il est pas très flatteur. C'est ça. Quand même. Renata, très bon film, ouais. Ton coup de cœur. Moi, étrangement, c'est de nouveau une chaîne YouTube, mais plus qu'une chaîne YouTube, c'est une vidéo qu'il a sortie récemment. Oui. Donc ça s'appelle Cyril Studio, donc il était très connu sur le nom de Super Connard à un moment, et il sort des vidéos gaming en fait, gaming en tout genre sur cette plateforme là, et il s'est intéressé récemment au jeu donc, que j'avais pas besoin de citer vraiment, Death Stranding, dont on voit l'image actuellement sur le chat, voilà, sur le Twitch. Et du coup franchement je voulais me renseigner un peu parce que voilà j'ai pas vraiment la console qui va avec, donc je me contente de regarder des let's play sur internet, donc heureusement qu'il y a ça, et j'étais très très très très intéressée par ce jeu, il me donnait beaucoup envie et franchement je me suis régalée. Il a fait deux vidéos de 3 heures je crois et je les ai bouffées en entier avec mon copain, donc voilà, franchement très très bon contenu. En plus j'étais surprise à quel point il est quand même doué pour les jeux vidéo, lui. Il est très fort, il est en difficile et il réussit à faire le jeu tranquille. Ouais, mais c'est de la randonnée, le jeu. Ouais, c'est de la livraison. Non, mais après, c'est pas très difficile. Non, mais il y a des choses qui le rendent difficile, en fait. Parce que, justement, j'allais le décrire comme un jeu simulation de randonnée. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Mais après, franchement, toutes les actions du jeu sont quand même enrichies, on va dire, par tout le background. Et le background, pour le coup, il est très... très dramatique déjà, mais aussi très très profond. En fait, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, beaucoup de mystères. Et pour l'instant, franchement, c'est un régal. Ah, y en a voilà. Qui disent que c'est une simulation de chauffeur, de livreur Uber Eats aussi. Oui, lui en fait, il l'appelle Uberman. Voilà, très bien. Voilà, c'est son nom. Voilà. Ouais. Mais c'est un peu ça, si tu veux. Mais en fait, l'histoire rend quand même le truc très intéressant. Tu t'ennuies pas quand il sort livrer des marchandises et tout. Tu t'ennuies pas alors que il fait beaucoup de chemin quand même à pied. Donc voilà, franchement, très très intéressant. Je le conseille. Death Stranding, d'ailleurs, que je vais en reparler dans mon coup de cœur. Mais juste avant, Maïlys, le tien de coup de cœur. Ça va, toi? Est-ce que tu avais oublié de préparer un coup de cœur? Un petit peu. Oh, ça alors. Bon, du coup, on va aller essayer chercher encore un petit peu. Les garçons de Tech Corner, est-ce que vous êtes venus avec un coup de cœur? Moi, j'en ai un petit, avec les premières images de Half-Life Alyx VR. clairement, qui m'ont donné des frissons. Il me tarde, c'est mars 2020, ou mai 2020, qui doit sortir. Mais en plus, il est disponible sur les plateformes... toutes les plateformes VR, enfin, ça va être, je pense, l'un des jeux qui va pouvoir enfin lancer le jeu vidéo en totale immersion. La qualité des graphismes, les interactions, enfin, c'est vraiment impressionnant. Ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus et je pense vraiment que ça va être beau à voir et à jouer. Et tant pis pour Half-Life 3, on a Half-Life VR. Ah, je préfère la VR personnellement. Hervé, est-ce que tu as un coup de cœur, toi? Ouais, tout à fait. Ouais, moi, mon coup de cœur récent, c'est The Mandalorian. Ah oui, évidemment. Oui. Étant grand grand fan de l'univers Star Wars, j'ai sauté dessus évidemment direct dès le day one quoi. Et puis comme prévu, ben c'est la folie quoi. Exactement. Clément, est-ce que tu as un coup de cœur de ton côté? C'est un petit coup de cœur, mais j'ai été très surpris par l'adaptation en série de La Croisée des Mondes. Qui est sorti là. Attends, mais c'est sorti là, c'est ça sort là en fait, les premières images m'ont bluffé et les premiers retours qu'il y a critiques du coup me redonne espoir sur ça, que j'avais lu en livre vraiment La Croisée des Mondes avec quelque chose d'extrêmement fouillé, de très très scénarisé et très profond, et j'étais très déçu par le premier film qui était sorti du coup, et là la série me redonne un peu espoir, donc je vous encourage à aller voir un petit peu ce que ça donne. Premier et seul film d'ailleurs qui est paru, ouais. De La Croisée des Mondes, effectivement. Maïlys, C'est bon? Alors... On a toujours un petit peu ce moment gênant. En ce moment, je suis à nouveau en cours, mais avec des examens, donc je suis un petit peu à la traîne. Et on va dire c'est le marché de Noël qui ouvre aujourd'hui. Parce que sinon je peux t'en donner un autre, mais le problème c'est qu'il est pas du tout en ligne. C'est le projet qu'on fait avec notre école d'Eco Campus, où les élèves vont trouver une idée pour tout l'établissement et pour sur certaines thématiques, pour que ce soit plus écologique, plus cool, plus citoyenneté, gna gna gna. D'accord, bah ça peut être sympa. C'est pas du tout en ligne, ça. C'est un projet d'école sympa, en tout cas. On félicite ton école pour mettre ça en place. Merci. C'est très développement durable, donc bravo. Bravo, Maïlys, et bravo oui, à toi. Oui, félicite-moi aussi. Et on termine du coup avec mon coup de cœur. C'est plutôt un coup de gueule sur les Game Awards 2019. Dans la catégorie jeu de l'année, donc ça se tient le 13 décembre 2019, les Game Awards. Et dans la catégorie jeu de l'année, ils ont nommé Super Smash Bros. Ultimate, Control, Resident Evil 2, Death Stranding, The Outer Worlds et Sekiro. Alors faut m'expliquer le choix, parce que Sekiro c'est clairement un Dark Souls-like, donc ça n'apporte rien de nouveau. Death Stranding c'est de la randonnée. The Outer Worlds, bon il a pas fait énormément de bruit. Resident Evil 2 c'est un remake. Super Smash Bros Ultimate il sort tous les ans. Il y a que Control à la limite qui sort, qui est un petit peu du lot et qui mérite sa place. Mais pourquoi ils ont pas foutu Borderlands 3, Jedi Fallen Order, Man of Medan, Luigi's Mansion 3, du coup ils méritent aussi, Rage 2, Fire Emblem, A Plague Tale Innocence. Donc, tu t'es fait mal en sortant du lit? Non, mais voilà. je te trouve un peu dur avec certains de ces jeux. Je pense pas que, en vrai, comme je te disais, je suis fan de Star Wars, mais je pense pas que Fallen Order ait sa place dans les meilleurs jeux de l'année. En plus que Super Smash. Sachant qu'il y a. Il y a Brawl Stars déjà. Ouais, non. Non plus. Mais non, moi je pense que. Après. Attends, c'est lesquels que t'as testé? Ouais, Sekiro. Sekiro. Sekiro, je te trouve dur avec Sekiro parce que Sekiro c'est un jeu de ouf. Ouais, moi, j'ai vu quelques vidéos, franchement c'est vraiment un jeu de ouf. Alors oui, c'est un Dark Souls-like parce que de toute façon c'est de From Software, donc la boîte qui a fait Dark Souls. Mais c'est vraiment. T'es très très dur avec Death Stranding. Je veux bien que ce soit de la randonnée, mais justement ils ont réussi à faire du jeu alors que c'est de la randonnée avec un gameplay du coup très original et surtout, je t'ai dit l'histoire, donc. Death Stranding, il a été encensé par la critique et par la presse juste parce qu'il y avait marqué c'est Kojima. Bon, alors oui et non. Oui, c'est clair que de toute façon, Kojima, dès qu'il y a un jeu Kojima qui sort, c'est la folie un peu partout. C'est mais alors Death Stranding, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu. C'est assez spécial comme jeu, c'est vraiment on aime très fort ou on déteste. Et il n'y a pas vraiment de juste milieu, parce que c'est un gameplay qui est assez nouveau. Et bon, il y a aussi le fait que sur 10 heures de jeu, il y a 7 heures de cinématique qui font que peut-être que pour certains gamers, c'est pas. Enfin, on passe son temps à regarder des cinématiques, voilà, c'est un peu long, un peu lent, et les gens ont plus envie de du coup de jouer que de. Mais justement, c'est original. Mais c'est tout ça, à sort, fait, voilà. Ça sort complètement après, ça sort d'ordinaire. Ouais. C'est original. Et pour ceux qui kiffent ça, qui guettent ça, bah, c'est le jeu de l'année, forcément. Ah, de toute façon, ça fait 3 ans qu'il est annoncé et qu'il est teasé. Il fallait que ça fasse le buzz. Quoi. Moi, j'adore les jeux où il n'y a que des cinématiques, justement. Moi, j'adore ça. J'aime bien les jeux BioWare, etc., les RPG. Mais alors, honnêtement, juste quand ils te vendent le jeu, c'est le nouveau jeu de Kojima et il y a des acteurs en motion capture, bah, ça donne pas forcément envie de l'acheter. Du coup, je suis en train de. Tu iras voir la vidéo de Cyril, il te donnera envie d'y jouer. Et je te jure que rien que pour ces deux arguments de promo qu'ils ont mis en avant comme des malades, au lieu de vanter le gameplay, l'histoire ou autre, bah, j'ai pas du tout envie de m'y intéresser. Et c'est vraiment un truc qui m'a rebuté, c'est vraiment qu'ils utilisent juste le nom de Kojima. C'est pas fois. La faute du jeu. Non, je sais. Le c'est jeu la promo, a rien fait de mal. Mais la promo m'a fait chier. Voilà, c'est tout. Même si le jeu, si ça se trouve, je vais le kiffer quand je vais y jouer. Allez, en tout cas, du coup, on s'arrête là pour les coups de cœur et les juste coups de gueule. Juste une petite remarque. Oui. C'est bientôt la sortie d'Animal Crossing. Moi, je suis contente. Oui, alors ça, sur c'est Switch. En mars 2020. Oui, bah ça va, plus que 3 mois, 4 mois, allez. Oui, bon. Voilà. Donc, très bien. Merci, fan de Nintendo. Hein, on t'appelle. G-Wolf, avant de faire l'ActuWeb avec toi, on va rester avec toi. C'est pour le Qu'est-ce que c'est ? Il était une fois. Un homme qui, en fait, était méchant. Mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Le qu'est-ce que c'est, je vous explique les règles, il faut résumer de la pire façon qu'il soit j'arrive plus à trouver mes mots, une série, un film ou un livre ou un comics, etc. Et l'équipe avec maximum 3 propositions et 3 indices doit réussir à trouver de quoi on parle. D-Wolf, c'est toi qui t'occupes du qu'est-ce que c'est cette semaine. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Nous allons pleurer. Et je voudrais quand même vous dire, parce que je sais pas si c'est si difficile que ça, mais... Ne vous fiez pas vraiment au résumé. Non mais on l'a jamais fait. Avec toi. Parce que c'est pas du tout, il y a aucun rapport. Ah mais non mais le premier qui nous a fait c'est l'histoire d'un mec qui s'endort puis se réveille. Puis s'endort, puis se réveille. Et il a juste dit ça. Mais voilà, il a juste dit ça, quoi. Enfin, c'était pas mal, quand même. Ah, non, mais très, très bien. Disons que, oui, bon, vous verrez, vous comprendrez. Alors, allez, c'est un migrant. Il a beaucoup voyagé quand il était petit pour fuir son pays en guerre. Finalement, il est recueilli par une famille, mais son père meurt. Il est très triste, et d'ailleurs, il a un secret très bien gardé, c'est un travesti. Il a souvent des pulsions et garde toujours son costume de drag queen sur lui, et à la fin, il devient le king des travestis, tout le monde l'aime. Man of Steel. Je peux donner l'indice 1 Vas-y. Parce que... Waouh. Ça n'a jamais été aussi simple. Son pire ennemi fait de la lutte. Man of Steel. Je peux donner l'indice 2 aussi. Vas-y. Non mais donne les 3 hein, tant que tu y es. Il est fan de Cyclope des X-Men. Man of Steel. Mm-hmm. Et il se fait tuer par une chauve-souris. Man of Steel. D'accord. Bien joué. D'accord, d'accord. C'est quoi, j'y pensais pas du tout à ça. Mais pas du tout, moi non plus. Enfin... Zut. On aurait dû dire que Rémi participe pas. Alors pourquoi il est fan de Cyclope des X-Men? Parce qu'il tire des rayons laser avec ses yeux. D'accord, ok. Oui. Et Drag Queen, oui. Parce qu'il a des collants. Oui, du coup, je. D'accord, ça part loin. Je m'attendais à un truc un peu plus soft. Ouais. Et là encore, il est soft. Hein. D'habitude, J-Wolf part un peu plus loin en live. Mm. Oh, ça parle de psychopathes qui filment leurs crimes pour parler de Fortnite, par exemple. Donc. Voilà. C'est ouais, la dernière fois c'était ça. Ouais. Il était pas simple. Wow, ils étaient sur une île et qu'il y avait un groupe psychopathe. Ouais, ils voulaient tuer tout le monde et tout. Ils butaient tout le monde et après ils nous disent ah non, mais c'est Fortnite en fait. Voilà. Donc bienvenue les garçons. Je vous en prie, déposez votre cerveau à l'entrée. Et G-Wolf, bah, merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis. Pour ce qu'est que c'est, que ça a été très rapide aujourd'hui. Est-ce qu'on voit les cernes qu'il a? Parce que depuis tout à l'heure, ça me bloque. Non, on voit pas les cernes. Il a des cernes, elle lui descend sur les joues. En même pas, pour la petite compliqué. Histoire, il m'envoie des images pour sa chronique à minuit en me disant désolé, je prépare tard. Il a dit ne pas préparer à minuit. Mais il prépare toujours le dernier moment. Bon, alors, D-Wolf, attention, tu as à peu près 10 secondes pour te remettre en forme. L'ActuWeb, c'est avec toi. Du What the fuck jusqu'au So cute, c'est l'ActuWeb dans Cult and Geek. Alors, quelle news aujourd'hui? Eh bien, encore une semaine plutôt calme sur la toile. C'est sûrement la période qui veut ça, j'imagine. Internet est calme, les gens ont froid, mais on démarre quand même avec une info qui a sûrement enthousiasmé plus d'un. Radio Sex, l'émission qui parle de littérature, évidemment, revient après de longs mois d'absence sans nouvelles. Et ça recommence dès demain. Je vois déjà des regards un peu perdus, non ? Ouais, d'accord. Oui. Alors, si vous ne connaissez pas Radio Sex, c'est le rendez-vous du dimanche présenté par Kameto, un streamer. Là, vous voyez qui c'est, non ? Ah oui. Toujours pas. Kameto Kotai, toujours pas. Où des viewers viennent raconter des anecdotes de cul, tout simplement. Mais ça fonctionne très bien. C'est du 45 000 viewers. Ils ont été invités à Click, l'émission de Mouloud de Achour. Et ça se développe bien. Et du coup, la saison 2, elle commence demain à 20h. 20h30, 21h, je ne sais pas. Ah, ne demande pas, on en a ça. Ok, bah, je vous le dis, vous le saurez. C'est la première fois que j'entends. Mais pareil. Mais... Alors, je voulais parler de Half-Life, mais du coup, Alix, mais bon, ça a été si bien présenté déjà que je crois que je vais passer à la suite. Peut-être que quand même dans 10 ans, on verra peut-être le 3, on aura plus de chances de le trouver. Lointain. Par contre, je tiens à revenir, la vidéo de présentation du jeu, elle est incroyable. Je trouve que c'est enfin une bonne utilisation des mains dans le jeu de VR. Des poids, des objets. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Ah, c'est beau. Ils développent ça sur Source 2, qui est un moteur VR assez performant. Et c'est vrai que je pense que ça va être un très très bon jeu. Ils annoncent autant d'heures de jeu que sur du Half-Life 2. Donc ouais, à voir, parce que la VR, c'est annoncé, on sait que les heures de jeu. Mais ouais, je pense qu'il va falloir quelques heures de téléchargement du jeu pour pouvoir l'installer sur son Oculus, mais quand on voit ce que le... Mais plus intéressant, c'est qu'ils le sortent pour le lancement du casque de Valve. Ouais. et qui est disponible sur toutes les plateformes. Je sais qu'interview est terminée, mais je viens d'avoir une illumination. Peut-être après ma chronique. Ouais, on va d'abord attendre que DeWolf ait fini. Parce que ça colle super bien, c'est juste pour savoir s'il s'occupe aussi des casques de VR. C'est tout. C'est-à-dire, soit on s'occupe des casques de VR. On les développe. Non, pas développé, juste si vous conseillez dessus. Vous en mettez dans des box. Dans des box. Ouais, pourquoi pas, ça serait bien. Mais par contre, le métier qu'on a expliqué, qu'on fait auprès des entreprises, l'événementiel, on travaille avec tous les casques disponibles, que ce soit du HTC, du PSVR, de l'Oculus, Oculus Quest, Oculus Go. Donc on connaît bien les casques et on connaît bien aussi les expériences qui sont disponibles dessus. Ouais. Et les casques sont sur la plateforme. Si tu veux plus d'infos, voilà. Bon bah j'irai après, voilà. Tu peux terminer. C'était la question bonus. Eh bien merci Maïlys. On continue. Alors cette semaine il y a eu aussi l'International Men's Day, le jour où on soutient les hommes sur Twitter pour nous dire à quel point nous sommes formidables, même en 16h sombre où on entend partout que nous sommes des trash. Un hashtag sûrement lancé par les hommes. Maintenant un sujet plus sérieux, puisque le youtubeur de l'ancien temps Hugo Tout Seul serait mort des suites d'une overdose. C'est fou. Mais en fait pas du tout. L'info était en réalité un fake, comme à peu près la moitié de ce qu'on peut trouver sur internet. D'autre part, le caster Chips a annoncé son départ de Ogaming, la web TV qui caste du League of Legends. C'est pareil, c'est fake. Mais en fait, c'est faux. Il y a eu des pleurs, de nombreuses réactions, des larmes, et au final, on a juste vu que c'était un gage lancé dans l'émission de Dwagby et Gotaga. Et là, vous vous dites... mais quel travail de journalisme, il va chercher l'information au cœur de l'actualité, il arrive à dénicher les pépites du web. En plus, il s'est parfaitement saupoudré sa chronique d'un humour à tomber par terre. Merci, ne vous enflammez pas, je ton sais déjà tout il ça. Va craquer. Écoutez, il n'y a pas grand-chose cette semaine. On enchaîne avec Sifanou qui a fait une vidéo pour parler du cyberharcèlement qu'il a subi. L'un de ses harceleurs a senti la température monter et a pris les devants en tweetant sur tout son soutien à Sifanou dans cette épreuve et qu'il espère que tous les coupables seront poursuivis devant les tribunaux et qu'ils seront punis en justice. Je dois avouer que son assurance effrontée m'a fait beaucoup rire, puisque tu es l'harceleur et tu... Comment dire, même quand tu es mis en lumière, tu continues, tu ne perds pas ton... C'est quoi déjà le mot ? Je sais pas. Ta dignité ? Ta dignité, non, je ne sais pas. Je pense pas, non. Bon, son assurant, j'imagine. Alors cependant, je n'encourage pas du tout le harcèlement. Si vous en êtes victime, parlez-en. J'ai tout de même un conseil pour les victimes de cyberharcèlement. Quittez Twitter et sortez de chez vous. Très bon conseil. Pour finir, je ne peux pas passer à côté du Cybertruck, le pick-up électrique de Tesla. Fameux. Il nous a été présenté par Elon Musk, tout fier de son nouveau joujou. Ça pourrait surprendre qu'Elon Musk se lance sur le marché du pick-up, mais l'idée ne sort pas de nulle part, puisque sachez qu'en Amérique, le pick-up est la voiture la plus vendue, toutes catégories confondues. Donc, c'est un choix stratégique. Par contre, niveau look de la bagnole, mon petit Elon, tu as dû oublier d'acheter un designer. Parce que je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, je pense que s'il y avait des voitures dans Minecraft, ça ressemblerait sûrement c'est à ça. Tu sais, ça fait un peu voiture dans les vieux films de SF des années 60 aussi. 70, c'est vraiment un tas de carrés. C'est pixelisé en fait. C'est pixelisé en vrai. C'est le concept encore. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça. C'est, ils ont oublié de passer vraiment à la production. Du coup, il n'y avait que le prototype sous la main. Tu sais que j'ai failli en parler dans mon moment. Ouf. En tout cas, moi, c'est fini. Hein. Mais merci de m'avoir écouté. Je pense pas qu'Elon soit super intéressé par l'aspect design. Non, s'en fiche. C'est une voiture qui est destinée à aller sur Mars, clairement. Après, lui, je suis sûr que c'est un fan de comment ça s'appelle mince de cyberpunk oui de ben justement de culture cyberpunk donc en fait oui. Ça lui va très bien en fait ce genre de choses Puis après c'est surtout au niveau des performances du véhicule aussi. Quand on voit la personne arriver avec la masse sur la voiture, enfin il est ultra résistant Il met un coup sur la vitre et la vitre explose quand... ouais. mais quand on voit enfin qu'il avait déjà envoyé une Tesla dans l'espace c'est clairement lui son objectif c'est des envies de riche hein. Ça sera peut-être le premier véhicule sur Mars, on sait pas. Peut-être. Mais il y a d'autres images. Enfin, quand j'essaie de chercher, j'en ai eu un. Vraiment, c'est trop moche et j'ai ça aussi. Non, mais ça, c'est, c'était avant la sortie. Ça. Ouais, c'est un concept. D'ailleurs, Rémi, tu as diffusé l'image. Bien sûr, elle est tellement visible sur le Twitch. Ah, t'as eu de la chance, toi. Mais Renata aussi a eu ses images pendant son coup de cœur. Voilà, sachez-le. Tu l'as dit, je te remercie. Voilà. Mais moi, j'ai quand même envoyé à 22h50. Pas à minuit. Écoutez, je travaille, moi. Bah, moi aussi. Bon, pendant qu'on débat sur l'horaire d'envoyer des images, moi, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause en musique avec le titre de Sky Up Into the Sky. Living in paradise and no more waiting on you tonight. Sky, Up Into the Sky dans Kultengi, qui on est de retour pour le top ou flop, l'instant nippon et bien sûr le what the fuck de la semaine. Et on commence tout de suite avec le top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Kultengi. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. Je vous explique les règles. J'oppose deux noms de films, de comics, de mangas, de séries, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop, c'est-à-dire lequel est le mieux noté ou lequel est le moins bien noté. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde est prêt? Top. Non, je comprends. Top. Ouais, il fait comme nous. Yes. Oui, alors le grand jeu de l'équipe, c'est soit de dire top, soit de dire flop. Et quand il n'y a que Renata et Maëlys, elles disent rien. Voilà. D'accord. Allez, on est parti. Lequel est top entre ces films, Kingdom of Heaven ou Black Death? Quoi? Kingdom of Heaven. Ouais, Kingdom Black Death. Juste alors, pour la prononciation, Black Death. Je pense Black Death parce que Kingdom of Heaven, c'est surtout la version Director's Cut qui est très bien notée, alors que le film normal est très mal noté, il me semble. Alors Black Death, c'est avec Fan Bin. T'as que ça à faire. Ouais. C'est des films, hein? Oui, c'est des films. Je dirais Black Death, je sais même pas ce que c'est, je connais pas. Moi non plus, mais c'est avec Sean Bean, donc il doit mourir. Ah, donc il doit mourir certainement. Je vais dire le premier. Idem. Kingdom of Heaven, ouais, Kingdom of Heaven, Black Death pour Hervé, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et Black Death également pour Renata. Ouais, moi aussi, parce qu'en général, quand il y a Kingdom, c'est de la merde. Très bien. Eh bien, regardons ça. Kingdom of Heaven est noté à 6,2, alors que Black Death est noté à 6,4. Effectivement, allez, c'est Black Death qui était top. Entre ces BD, attention, on parle bien des BD. Laquelle est flop? Astérix et Cléopâtre ou Tintin ou Tibet? On était sûr. Oh. Astérix et Cléopâtre, je dirais. Moi, ouais, idem. Non. Moi, je veux dire Tintin au Tibet. Mais les, moi aussi. Les deux sont très bien, mais. Tintin au Tibet pour Clément et Eddie Wolf. Et pour moi aussi. Et pour Renata. C'est bien le flop, hein. Le flop, ouais. Non, c'est Astérix alors. Astérix, ouais. Et Cléopâtre. Ouais, je pense Astérix. Sérieux? Pour Christophe, pour Hervé, pour Maëlys. On est à 3 contre 3, c'est parfait. Astérix et Cléopâtre est noté à 7,8. Tintin au Tibet est noté à 7,6, c'est donc Tintin au Tibet qui est flop. Trop facile. Ah, les deux sont assez classiques, quoi. C'est difficile de faire. Ouais. Hervé se fait engueuler par Clément. Ouais. Ouais, putain, tu fais de la merde. C'est souvent ça, hein, tous les jours. Ouais. Chacun pour soi. Ouais. Lequel est top entre ces séries? Est-ce que c'est Si? C'est une série de Amazon Prime. Genre Si la mer? Non, Si voir. Ah, d'accord, ok. Ouais. Oui, alors, okay, oui, ok, ok. Ah, c'est avec Jason Momoa. Ou alors Bird Box. Ah, le top, qu'est-ce qui est top, tu dis? Lequel est top? On va dire celui d'Amazon. Bird Box, je l'ai vu. Sur Amazon. Je l'ai vu moi aussi. Bird Box est sur Netflix et Si, ouais, c'est sur Amazon Prime. Ouais. Alors, dirais, Bird Box. Ouais, je dirais Bird Box, ouais. Pareil, ouais. Bird Box, lequel est top? Box, on a dit... Lequel est top, oui. Ouais. Mm. Ouais, Bird Box. Enfin, je dirais Bird Box aussi. Je sais pas du tout ce que c'est. Moi non plus. 3 Bird Box. Alice. J'ai envie de dire Bird Box aussi, mais je crois que ça a pas vraiment plu aux gens en fait. Et ouais, il me semble aussi. Après, le sens critique, c'est pas vraiment logique. N'oubliez pas qu'il y a eu le Bird Box Challenge aussi après la sortie de la série. C'est vrai. Qui a fait un bad buzz d'ailleurs. Ouais, ouais, voilà. Bah vas-y. Compliqué. Bird Box. Clément? Si. Si. Clément, il est. C'est la contradiction. Maëlys, quoi. Maëlys, t'as dit quoi? Si aussi, comme ça on fait un petit peu un contre. Très bien, alors Bird Box est noté à 5,9. Ah, c'est si, pas la folie quoi. 6,9, c'est donc Si qui est top, effectivement. Ouais. Bravo Clément, bravo Maëlys. Ah, et on c'est termine. Le Clément, calme-toi. Et on termine avec lequel est flop entre ces jeux: Pokémon épée, Pokémon bouclier, Pokémon diamant, Pokémon saphir ou Pokémon ruby. T'as pas mis jaune et rouge? Non. Ah non, ils sont overnotés eux. Tu peux répéter? Pokémon épée, Pokémon bouclier, Pokémon diamant, Pokémon saphir ou Pokémon ruby. Je crois que c'est diamant. On cherche top là. Saphir. Le flop. On cherche le flop. Ah, le flop. Ah, bah, diamant. Diamant pour Christophe. Diamant aussi. Saphir. Diamant également. Diamant également pour Clément. Très bien. Saphir. Saphir. Épée. Tu es vraiment qui est parti en cacahuète. Épée, tu es sûr? Oui. D'accord, très bien, c'est noté. Renata? Bah, allez, pour dire différemment tout le monde, Ruby. Ruby. Alors, il a déjà été dit aussi, je crois. Non, c'est Saphir qui a été dit. Regardons le Pokémon qui n'a pas été cité. Pokémon bouclier est noté à 7,3. Regardons maintenant le Pokémon Ruby, 7,7. Donc c'est pas lui. Pas du c'est tout. Sûr. Pokémon Saphir, peut-être. 7,7 également. C'est pas lui. C'est pas lui du tout. Alors entre Pokémon Diamant et Pokémon Bouclier, lequel est le mieux noté ? Pokémon Diamant est noté à 7,2. Donc Pokémon Bouclier n'est pas flop. Mm-hmm. Maintenant entre Pokémon Diamant et Pokémon Épée, Pokémon Épée est noté à 6,9, c'est donc le flop. Félicitations, Maëlys. En fait, j'avais jamais entendu parler de lui. Mais il vient de sortir. C'est vendredi dernier. Les deux viennent de sortir, Bouclier et Épée viennent de sortir. Mais Bouclier, mais oui, je connais. Mais c'était l'autre version. Tu as écouté ma chronique de la semaine dernière, dis-moi. Oui, ça y est, ça travaille. Je suis pas certaine, hein. Fais pas attention. Non, non, les j'écoute tout le temps parce que. D'une demi-oreille. C'est intéressant. Ah, attends, on a une discussion en débat entre Renata, G-Wolf et Maëlys et une autre discussion avec Hervé et Christophe. Ça donne qui quoi se parle de la version machin. Non mais je comprends pas que en fait sur ces deux versions identiques de Pokémon, avec bleu, ouais mais enfin, Ruby, Saphir, OK, Diamant il est sorti avec lesquels? Perle. Diamant c'est perle. Parti ouais. Diamant perle. Un courrier au bataillon, ça. C'est, moi je connais pas ça. C'est, moi c'est rouge ça, avec ça, le ça Pokémon va. Légendaire Dialga. D'accord. Ah ouais, non, je me suis arrêté là. Je crois que j'avais. Je me suis arrêté à rouge et bleu. Mais j'ai repris à. Non, la jaune. La jaune. À Pikachu. Non, la jaune, je l'ai pas faite non plus. J'ai vraiment fait rouge et bleu. Et... De toute façon, les vrais, ils ont joué à Pokémon Crystal. Allez, on continue. Non, les vrais, c'est ceux qui voudront bien me donner la cartouche jaune de Pokémon. Je l'ai. Sur Game Boy. Ah, en cadeau. Combien? Ah, en cadeau. Tu la glisses dans une tech box. Je suis le commercial de Tech Corner, je me rappelle. Elle se vend, mais elle est un peu chère quand même. Allez, le top ou flop, c'est fini. Et on va partir en Asie avec Renata, puisque c'est l'instant nippon. C'est l'instant nippon dans Kulten Geek. C'est pas grave, tu vois, je t'excuse. Est-ce que vous avez vu la tête de Renata? Mais à chaque fois qu'il y a l'instant nippon qui arrive, il prend la pause, tu vois. Donc là, j'attendais qu'il prenne la pause. Non mais il était un peu distrait, il faut le comprendre. C'est comme moi quand t'écoutes. Hein. G-Wolf, tu as pris la pause. Renata, est-ce que tu es prête? C'est bon, on peut commencer l'instant nippon. Alors bon, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait deux sujets que je voulais aborder pendant l'instant nippon. Et le premier, bah, c'était effectivement cet hôtel japonais donc à Fukuoka qui propose des nuits à 1 euro. Est-ce que vous savez pourquoi? Tu m'énerves. Tous le même moment. Tu m'énerves. C'est une box, non ? Alors, c'est pas parce que t'acceptes d'être filmé, c'est ça ? Tout à fait. Tu acceptes. C'est au hasard, complètement. Ah ouais, complètement au hasard, je suis d'accord. Non, mais quel instinct de malade, vraiment. Non, mais voilà, du coup, comme beaucoup doivent le savoir, c'est parce qu'ils acceptent que leur séjour soit entièrement diffusé donc, sur YouTube en direct. Oui. Et après, que les vidéos soient conservées, bien entendu. Après, le son n'est pas montré. Enfin, ils ne mettent pas de micro dans la chambre, justement, pour éviter tout. Problèmes de droit d'auteur, etc. Tu montres le son, toi ? Non, mais. ils ne mettent pas le son, pardon. Non, je peux d'ailleurs, pas montrer. En préparant cette émission, je suis passé sur le live de cette chambre. D'accord. Bah, il se passe rien d'intéressant. Hein. Mais c'est normal. Enfin, c'est juste des gens qui vont dormir là-bas, tu vois. Mais bon, voilà. Donc, le concept a été. Enfin, quand même, fait le buzz. Donc, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dessus. D'ailleurs, par rapport à ta remarque, j'ai vu des tableaux d'une fille qui est synesthète, je crois, quelque chose comme ça. J'avoue que je connais pas du tout. Apparemment, elle pourrait voir les sons. Et elle les perçoit avec une certaine couleur, une certaine forme. Ah oui, et elle a peint des tableaux. Années, et elle a peint des tableaux, mais je sais pas pourquoi ça s'est ressorti là récemment. Il y a un gars aussi avec une antenne qui entend les couleurs. Ouais, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Ça c'est Sylvain cool. Durif. Ça c'est le voilà. Christ cosmique. Voilà. Non mais voilà, donc ça c'est une maladie et elle a peint des tableaux par rapport à certaines musiques qu'elle du coup représente bah, comme elle les voit apparemment. Voilà. Mais ça c'est juste la petite parenthèse parce que j'ai vu ça hier. Donc voilà. Bref, donc après forcément il faut pas qu'il montre des scènes obscènes ou des pièces d'identité ou tout genre d'informations qui pourraient être sensibles. Mais voilà, normalement. Enfin, à partir du moment où ils acceptent ça, alors que normalement les hôtels c'est forcément entre 20 et 25 euros pour les plus accessibles. Voilà, et encore, du coup, c'est très très cher apparemment tout ce qui est hôtel, etc. au Japon. Donc voilà, pour 1 euro, juste parce qu'on accepte de se faire filmer, on peut rester dans cet hôtel. Et ils ont fait tout, ils ont vraiment voulu faire toute une sorte de truc marketing autour de ça pour se faire connaître et la première vidéo qu'ils ont postée fait 100 000 ils ont eu 100 000 vues déjà. J'ai une petite question. Dis-moi. Il n'y a qu'une seule chambre comme ça ou toutes les chambres de l'hôtel sont... Bah, pour l'instant, il y a très peu de personnes qui ont accepté de, d'y rester, si tu veux. Donc, il n'y a pas encore... je crois qu'ils ont fait une dizaine de vidéos au maximum. Okay. Et je crois que pour l'instant, il y a 6 ou 7 personnes qui sont restées et là-bas. Donc, c'est tout. À 1€ la nuit, ça vaut plus le coup de juste de vivre à l'année là-bas que c'est ce que j'étais en train de me dire, ça fait 30 balles par mois, franchement, c'est ça va, c'est cool. Ouais, franchement, ouais. Fait... Bon, après, bon, mais pas trop de vie privée, fatalement. Ouais, mais... voilà. Après, je sais pas si c'est permis, mais très très logiquement. Après, il y a enfin, le tout dernier, celui qui est en direct en ce moment même, c'est un étranger. Enfin. Elle aussi, on elle le voit l'a vu. Voilà, moi aussi je l'ai vu. bref, donc voilà, ça c'était le sujet. Bah, du coup, il y a tout le monde qui voulait en parler. Et l'autre, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Mais il. Je sais que tu n'es pas au courant, G-Wolf. Il moi y a si. Encore une maison impériale du Japon qui exerce en tant qu'empereur et impératrice aujourd'hui. Donc c'est la lignée Yamato. Donc enfin, si vous le savez ou pas, le Japon est souvent désigné comme Yamato. Et donc c'est la plus ancienne dynastie régnante puisqu'elle est en. C'est pas la dynastie Yamete. Yamete. Komenasai. Komenasai. On voit que vous avez la culture hentai, vous. Hein. Voilà. Bon, no comment. Non, c'est Yamato. Hein, voilà. Donc pour la petite histoire, c'est les Américains qui occupaient le Japon donc en 1945 qui ont voulu limiter le pouvoir de la famille royale, enfin de la famille royale, non, de la famille impériale qui était déjà installée à l'époque et qui règne depuis moins 600, quelque chose comme ça. Donc vraiment, elle remonte très très loin. Et là, il y a eu récemment cette année, en fait, ils ont changé d'empereur et d'impératrice parce que l'ancien, il avait 83 ans, je crois. Donc il a abdiqué exceptionnellement parce que normalement, ils n'ont pas le droit, c'est vraiment à la mort de l'empereur qui peut changer pour le prochain. Et forcément, c'est toujours les fils, parce que voilà, les fils des membres et leurs épouses font partie de la famille royale, à partir du moment la famille impériale, pardon, ah là là. Mais à partir du moment où, par exemple, les princesses se marient, elles sortent, enfin, elles perdent leurs droits. Donc vraiment, ils ont essayé de limiter complètement les possibles membres qui aujourd'hui, je crois, sont de une vingtaine, quoi, quelque chose comme ça, pas plus. Consanguinité, quoi. C'est déjà cool. Non. Juste que bah, c'est les fils, forcément, qui prennent le pouvoir. Mm-hmm. C'est juste ça. Ils ne se marient pas entre eux. Mm. Voilà. C'est pas des chiens. Non, mais je précise. Ils ne se marient pas entre eux, tu vois. C'est pas genre ouais. comme pendant la Renaissance ou je ne sais quoi, ou le Moyen-Âge ou je ne sais quoi, tu vois. Donc voilà. Par contre, forcément, vu qu'ils n'avaient pas de. Pendant très longtemps, ils n'avaient pas d'enfants garçons, bah, y a eu toute une polémique, en fait, par rapport au fait qu'il faudrait accepter des impératrices. Pour que la lignée puisse continuer d'exister. Puisqu'aujourd'hui, c'est une sorte de symbole. C'est plus un symbole que vraiment une présence politique. Mmh. Mais quand même, c'est quelque chose... ils sont là dans toutes les grosses cérémonies shinto, Attention, on le rappelle, hein, si, comme en Angleterre, hein, vous mettez une femme à la tête en royauté ou impériale, attention, elle reste encore dire. Pendant 120 ans. Hein, ouais. Elle part jamais. Elle devient immortelle. Vous savez pas comment. Je savais qu'elle est vraiment... Elle tient debout. Hein. Je pensais que ça allait être... Moi, hein. Ouais, toi t'es un peu gentil en ce moment, ça va. Moi je pensais que ce serait une histoire de machine encore. Donc voilà, enfin moi j'étais un peu surprise parce que je savais qu'il y en avait, mais j'ai commencé à lire certaines histoires sur les membres en fait de la famille, et en fait c'est comme les séries qu'on voit à la télé, c'est exactement la même chose, genre l'ancienne princesse, parce que du coup elle s'était mariée au supposé héritier qui est aujourd'hui en fonction. Elle a fait des études à Harvard, je crois. Elle a été diplomate étrangère avec les États-Unis. Enfin, elle avait une carrière super prometteuse, mais parce que tout est géré par l'agence. Je vérifie, l'agence de la maison impériale. Et en fait, c'est eux qui choisissent qui a le droit ou qui est assez bien, on va dire, pour intégrer la famille impériale. Et pendant très longtemps, elle n'était pas acceptée. Après, elle a voulu, on va dire, moderniser en fait toute la famille impériale, etc. Mais ils ont refusé. Ils lui faisaient des coups bas. Enfin. Une histoire vraiment, on s'attendrait à la voir dans une série et en fait c'est la réalité. Qui et j'étais assez surprise. Qui a le droit, c'est aussi une chanson de Patrick Bruel. C'est important. Une intervention utile. Mais il y a toujours des interventions comme ça. Donc, l'actuel empereur depuis 2019, c'est Naruhito. Et l'actuelle impératrice consort depuis 2019, c'est Masako. Juste pour dire. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que tu veux massacrer? Oui, j'ai une question. qu'est-ce que ça change au final? De quoi? Bah, qu'ils aient changé de personne, que l'ancien empereur ait abdiqué et qu'il y en a un nouveau. C'est comme qu'est-ce quand que, qu'est-ce que ça change, tu penses, pour les étrangers quand nous on change de président? Mais tu avais dit qu'ils n'avaient pas d'implication politique. Ils n'ont pas vraiment d'implication politique, c'est plus comme, c'est un peu comme la reine d'Angleterre en fait. Si tu veux, elle a quand même quelques droits, elle a quand même une grosse importance. Mmh. D'après ce que j'ai vu, eux ils en ont plus beaucoup parce que justement elle a été très limitée par les Américains. Mais ils sont quand même une figure très importante du pays. Genre ils sont, c'est ce que je disais, ils sont dans toutes les cérémonies Shinto, ils y figurent et ils sont quand même une sorte de... Ils sont effacés des registres sociaux parce qu'ils sont censés être des dieux. D'accord. Ou en fait, des semi-dieux. Ils sont plutôt là pour le côté spiritualité. Voilà, c'est un peu ça. Pour montrer l'unité du Japon. Et en fait, par exemple, quand il y a des catastrophes naturelles, ils sont là. Ils vont sur les trucs, ils essayent d'aider, etc. Tu vois, notamment les anciens empereurs, parce que pour l'instant, les nouveaux n'ont pas vraiment eu le temps de montrer beaucoup de ce genre d'intervention. Mais les anciens, ils allaient sur tous les sites de catastrophes naturelles, ils essayaient de mettre en place des manifestations quand il y avait des problèmes par rapport au peuple. Enfin, ils étaient très proches du peuple et ils faisaient un peu bouger certaines chose du côté mais du coup du pas comme un président. Pas comme un président du non, tout. Comme une force du peuple. Plus sur l'aspect social du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en soi, il n'existe pas sur les registres. Ce sont des personnes qui sont censées être au-dessus sur la liste rouge. C'est des Camis. Un peu, voilà. Bien joué. Bien joué. Eh. Ah mais comment ça se fait que t'as compris toi? Mais non, mais c'est chaud, ça va quand même. J'ai écouté toutes tes il chroniques. Il a le droit de faire semblant. Ouais, ouais, c'est pour ça que dans tous mes quiz, c'est toi qui as le moins de poids. Alors que Rémi, c'est une merde en japonais. Je t'en prie, reste poli, d'accord? Je sais dire quelque chose en japonais. Shogunai. Bah lui, c'est dire ça, et toi, tu sais dire quoi? Kimono. Non mais voilà, j'ai fait des petits parce que bon, ils n'ont aucune culture japonaise. Du coup, j'ai fait des petits quiz comme je les appelle. J'ai fait des moments en fait explications de culture et des choses comme ça. Et la semaine d'après, je les prévenais. Je leur disais, je vais vous poser des questions pour avoir un peu ce que vous avez retenu. Mais ils n'avaient rien retenu du tout. Ça fait 4 saisons que je fais des instants nippons. Non mais c'est difficile. Ça fait plus de 17 ans qu'on essaie de m'apprendre l'anglais, j'en parle toujours pas un mot. Voilà. Non mais toi, je te félicite déjà d'avoir retenu Shogunai, c'est bien. Ah, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire Shogunai, nos amis de Tech Corner? Hervé sûrement. Non, je sais pas, non. Moi par Arigato Sensei. Arigato Sensei. Et Clément. Et Yamete apparemment. Hein. Yamete. Tout le monde. C'est quoi, c'est Xo, c'est ça? Ah, ça c'est dans Naruto ça. Ouais. Alors oui, si tu veux apprendre le japonais, G-Wolf, tu regardes les 24 saisons de Naruto. Okay. Et t'inquiète pas, ça va rentrer. Ouais. Ça marche. Bah je sais déjà dire une phrase, c'est déjà pas mal. C'est quoi la phrase? Oliwa Gadaisuki Nandayo. Oliwa Uchinchin Gadaisuki Nandayo. D'accord. La même reine. T'as coiffé Reina. Alors, j'ai cru comprendre un truc, mais j'ai l'impression que c'est sale. Ne traduis pas, s'il te plaît. On est d'accord. Non, mais c'est. Ouais. C'est une phrase que tu entendrais dans un hentai, ça. Ah, parfait. Très bien. Eh bien, écoute, c'est sur cette note. C'est ce qu'il faisait jusqu'à minuit. C'est pourquoi il est fatigué. Voilà. Les cernes, elles viennent de là. On passe tout de suite au What the fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le what the fuck de la semaine, c'est avec toi Maïlys. Qu'est-ce que tu nous rapportes comme news? Avant tout, je me demandais si tu avais pas eu un raté dans les musiques. Non, pourquoi? J'ai entendu un piano au milieu. Les premières notes, on aurait dit l'instant nippon, ouais. Ah non, y a pas eu de raté. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui peut faire transition avec ça? Rien du tout, c'est pas grave. Bah, oui, non, mais la révélation de... de G-Wolf est très très marquante. Hein. Mon premier what the fuck, c'est donc Gigi. C'est moi. Le deuxième, c'est un homme qui fait don de ses orteils de doigts de pied à un bar pour en faire des cocktails. Quoi? Tu as compris, tu as exactement compris. Tu peux le répéter lentement? J'aurais pu t'envoyer les photos, mais j'ai trouvé ça un peu trop sale, du coup j'ai préféré ne rien t'envoyer. Ouais, c'est un peu dégueulasse, ouais. Donc vous avez un orteil. Le bar plutôt à un orteil. Vous choisissez l'alcool que vous voulez, il le met dedans. Et si malencontreusement vous arrive de le manger, de l'avaler ou autre, ou de le voler, c'est une amende de 500 euros. D'accord. Oh, joie. Attends, voilà. tu bois le cocktail et tu remets l'orteil après. Non, tu le laisses dedans le verre. Non mais je veux dire tu remets le verre avec l'orteil dedans. Tu lui rends l'orteil quoi. C'est ça. Ouais. Et le but apparemment c'est quoi le but pour les fétichistes des pièces. Ah, et encore. Très bizarre. J'ai pas bien compris. Non mais le mec, il s'est coupé les orteils du coup pour les. Oui, mais il est mort juste après. Donc bon, c'était post-mortem finalement quand c'est arrivé. Quoi ? Il est mort de quoi ? Quel pays ça ? Il est mort de quoi ce monsieur ? Initialement, au tout début, j'allais faire une génération. J'ai senti. J'allais lever le pied sur la table. De façon plus classe. Initialement, ça a daté de je sais pas quelle année, parce que je ne retiens aucune date, où une personne a dû se couper un orteil à cause du froid. Donc il l'a coupé, il l'a mis dans une bouteille de rhum pour le conserver. Ah, et ça a été retrouvé en petit rhum arrangé au pied là. Je sais pas trop quel goût ça a donné. Ça a été retrouvé plus tard et la personne s'est dit je vais faire pareil. Comme dirait le youtubeur Nelfain qu'on a reçu dans Kitten Geek, trop bon les pieds. Ah oui, bien joué. Elle est tarée. Autre chose Maïlys ? Ah oui, j'ai un homme qui était en prison et qui a décidé, à un moment, il a eu une petite liberté conditionnelle de quelques jours. Il est sorti et au lieu de revenir le 8 août, il me semble, c'est la seule date que je retiens, logique. Au lieu de revenir comme prévu à la date en prison, il est parti en vélo. Il a traversé la France. Il a rencontré un homme qui était agriculteur, il me semble. Il lui a proposé un CDI et il lui a dit non, je vais d'abord retourner en prison. Et je reviens ensuite parce que ça se fait pas. Il est revenu une vingtaine de jours après, en prison. C'est la pire évasion du monde, tu sais. C'est clair. Je vais quand même y retourner parce que ça se fait pas. C'est pas mes screens. Quand ils l'ont rejugé, du coup, la personne, ils ont tenu compte du fait qu'il était revenu de lui-même et ils lui ont mis 5 semaines, je crois, de prison ferme. Ou 5 mois. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence entre les deux. Ouais, 5 semaines, 5 mois, 5 jours. 5 jours, 5 heures. Il y a aussi mon petit what the fuck que tu as présenté, que tu as parlé. Évidemment, l'hôtel à 1€ avec les caméras. Ah bon, tout ça. Non, arrête. C'est pas incroyable. 1€, 1€ la chambre. Ah ouais. C'est la nuit. C'est où filmé ? C'est en Japon. C'est quand même jamais arrivé qu'on ait le même truc. Ah, on l'a bien fait là. C'est la première fois que ça arrive. Juste pour compléter ce que t'as dit, il n'y a pas de caméra dans la salle de bain. C'est dommage. Non, c'est pas logique pour le Japon. Pour moi, ça aurait dû être partout. Non, moi, je constate qu'il y a un manque de communication entre les membres de l'équipe. Mais justement, on aime garder les trucs secrets pour que justement tout le monde se soit une surprise quand on arrive. Donc il y a juste Rémi qui sait de quoi on parle parce qu'on lui envoie des images. Mais donc, tout le monde. Rémi. Oui, tout à fait. Ouais, bravo Rémi. Non, j'avais pas d'image sur ça. Je suis désolé. Et dernier petit élément, c'est un Toulousain qui, en sortant de son train à la gare, doit aller au travail. Il doit donc se dépêcher. Oui. C'est passé à la radio, aux infos, partout. Et il doit se dépêcher. Donc, à un moment, il retire de l'argent, rapidement. Une dame arrive, SDF, qui lui demande de l'argent pour pouvoir aller s'acheter à manger. Il lui donne quelques pièces et il se prend une amende de 100€. Mais si la mendicité est interdite... Sur les lieux publics. D'accord, mais le fait de donner ne devrait pas l'être. Puisque c'est la mendicité qui est interdite. Ouais, c'est comme l'histoire des prostituées. Ouais, hein. Donner une amende à une SNCF... C'est vrai qu'il est insolvable. Du coup, c'est un peu compliqué. Écoute-moi, G-Wolf, ta gueule, c'est magique. Je suis un privé aussi, je comprends pas. Et on en parle ou pas du what the fuck que tu n'as pas voulu présenter, Maïs ? Ouais, c'était un peu trop sale, je me suis dit, vas-y, non. Le doigt de pied dans les verres, ça va quoi. Moi, je vous lis simplement le titre puisqu'elle me l'a envoyé. Une compagnie vous propose d'acheter un minuscule spa pour reposer vos testicules. Voilà. Allez. C'est intéressant. Alors j'en ai tout de suite le nom de la boîte. Moi je veux savoir. Ouais, on va vous partager l'info, on sait jamais si vous voulez acheter. Dans l'article, il précise que c'est un véritable produit, que c'est pas une blague, c'est un vrai produit qui existe. Alors, j'en ai besoin, j'ai mal au dos moi à force d'être penché en avant. Tenez-vous bien, ça s'appelle Testicuzzi. Voilà. Voilà. Sachez-le, vous pourrez en chercher. Il y en a des transparents, il y en a en or. Intéressé toi. Voilà, vous savez. Et de cadeaux marrants. Ouais, bah, à quel prix? À rajouter dans la tech box. Ouh là là là. Non, non, non, non, non, non. C'est une fille. L'écoutez pas. On a des bons produits insolites déjà, je pense. Ouais, merci Maëlys du coup pour tous ces What the Fuck. Et puis bien sûr, merci à vous, Tech Corner, l'équipe de Tech Corner, Clément, Hervé, Christophe, d'être venus avec nous. Et puis on peut vous retrouver donc sur Facebook, sur Twitter, Instagram, LinkedIn et techcorner.fr. Vous revenez quand vous voulez? Ouais, bah avec plaisir, avec plaisir. Oui, merci à vous tous. Très bien sympathique. Qui ne parle plus. Non, non, rien. Ça, c'est quoi? Il est super content. Incroyable, merci pour toutes tes interventions. C'est les jeux du cirque. On a quand même entendu le son de sa voix. Deux fois. Trois fois, du coup, maintenant. Merci à mon équipe. Merci à nos diffuseurs, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Discord, Insta et Twitch. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous, bisous. À ciao. Ciao.